Psaume 57. Mishtam de David, donné au maître chantre, pour le chanter sur alta 7, touchant c'est qu'il s'enfuit de devant Saül dans la caverne. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car mon âme se retire vers toi, et je me retire sous l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crierai au Dieu souverain, au Dieu fort qui accomplit son œuvre pour moi. Il enverra des cieux, qui me délivrera, il rendra honteux celui qui me veut dévorer, c'est là. Dieu enverra sa gratuité et sa vérité. Mon âme est parmi des lions, je demeure parmi des bouts de feu, parmi des hommes dont les dents sont des hallebardes et des flèches, et dont la langue est une épée aiguë. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, et que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient préparé le ray à mes pas, mon âme penchait déjà. Ils avaient creusé une fosse devant moi, mais ils sont tombés au milieu d'elle, c'est là. Mon cœur est disposé, ô Dieu, mon cœur est disposé, je chanterai et psalmodierai. Réveille-toi, ma gloire, réveille-toi, musette et harpe, je me réveillerai à l'aube du jour. Seigneur, je te célébrerai parmi les peuples, je te psalmodierai parmi les nations. Car ta gratuité est grande jusqu'aux cieux, et ta vérité jusqu'aux nues. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, et que ta gloire soit sur toute la terre.